Guillermo Guise sur Inter. C'est maintenant. Ça va les amigos? Ça va et toi? Eh, vous me connaissez en général, je suis pas quelqu'un qui se vante. Non. Non, c'est vrai, non. C'est vrai, genre, c'est vrai. Je vous ai jamais dit j'avais une vue hors du commun. C'est vrai, par exemple, 7 à l'œil gauche, 8,5 à l'œil droit. C'est entre le faucon et la coriandre. Vraiment, j'ai. Je peux distinguer la tour Eiffel à moins de 40 mètres. Vraiment, j'ai... à la foire du trône, on m'appelle El Sniper. Vraiment, il n'y a plus aucun un stand de tir qui m'accepte. Chaque fois, c'est moi que je gagne le radio réveil. Eh ben, je vous en ai jamais parlé. Je suis un mec modeste. Regardez Olivia Ruiz, par exemple. Elle a choisi son pseudo en référence à qui, vous croyez? À la base, elle s'appelle Olivia Champignol. Ruiz, c'est un hommage à Guise. C'est comme ça. Je m'en suis déjà vanté, à part sur mon tatouage, fier d'être ton modèle, Olivia? Jamais. Jamais, jamais. Du coup, quand il m'arrive des trucs fous dans la vie, je les garde pour moi en général. Mais là, je suis obligé de vous raconter, c'est trop fou. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous savez qui me suit sur Instagram depuis vendredi? Non, vous avez droit chacun. Qui me suit? J'avais très bien entendu. Ouais, on a eu très peur. Qui me suit sur Instagram depuis vendredi? Vous avez droit à chacun un nom. Je vous donne un indice, c'est Thomas Pesquet. Je vous ai niqué le jeu, mais je vous connais, si on joue vraiment, je récupère la parole dans 2 heures. Je fais ma chronique dans le jeu des 1000 euros. Ernesto Banco. Vraiment, non, c'est Thomas Pesquet qui me suit sur Insta. Et j'avoue que, franchement, j'ai zéro explication. Déjà parce qu'on peut pas dire que je sois incontournable sur Insta. Mon dernier post, c'était en février. Je crois que sur Insta, ça a plus intérêt de suivre Tanguy Pastureau, quoi. Et Tanguy, il poste quasi que des photos d'Alain Juppé et des extraits du Code Napoléon. Là, il m'a dit, je voudrais surprendre mes followers. Tu sais comment on fait un boomerang? Vraiment, dans 3 mois, il est à Dubaï, il fait des codes promo. Vraiment. Franchement, j'étais surpris que Thomas Pesquet me connaisse. Je voyais pas de où, quoi. Puis j'ai lu qu'il était à Cannes la semaine passée pour la soirée Top Gun. Je me suis dit, ah ouais, ça doit être de là, quoi. Il a sûrement croisé Tom Cruise, qui est fan. C'est sûr, Tom, il a dit, you know, this fucking guy, Ernesto, is such a motherfucker, funny motherfucker. Là, Thomas Pesquet a fait, sorry, I don't speak English. Parce que Thomas Pesquet, il parle pas anglais. C'est pour ça qu'il reste chaque fois si longtemps dans la station internationale. La majeure partie du temps, il est sur Google Trad. Tu sais, un astronaute russe qui lui fait, I got no oxygen, got no oxygen. Le temps que Thomas, il prenne son iPhone, il ouvre son app, le mec, il est violet, quoi. Tu vois, vous avez jamais remarqué, dans leur mission, ils partent à 9, ils reviennent à 2. Ah ouais, tant que Pesquet, il aura pas les rudiments de l'anglais. Mais bon, bref, c'est vraiment flatteur quand quelqu'un pour qui t'as de l'admiration te montre de l'intérêt, quoi. Même de loin. Par exemple, vous savez qui me suit pas sur Instagram? Nagui. Ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble. Je fais tout pour qu'on soit proche. Je ris à ses blagues sur Thibaut Courtois. Allez, j'y mets du mien, quoi. Il m'a jamais follow, alors que nous, par contrat, on est tous obligés de le suivre sur Insta, tu vois. Une fois, j'ai essayé de me désabonner et j'ai eu un contrôle fiscal. On m'a cambriolé. Il m'a dit, je sais où ta famille habite. C'est bon, j'ai compris le message. Bah, par exemple, vous savez qui ne suit pas Nagui sur Instagram? Thomas Pesquet. Bien fait pour lui, voilà. Ouh. C'est pas ce qu'il rate, quoi. 6 stories par jour, sans n'oublier pas les paroles, tu vois. Il est pas incroyable, Jean Martial? Ah, il nous a régalé sur Cookie Dingler. Ah, bah, c'est pas facile d'être une femme libérée, vraiment. Mais là, je me sens limite mal, parce que j'aimerais bien que Thomas Pesquet, il en est pour son argent quand il visite mon profil Insta. Mais là, peut-être que je peux lui envoyer un message privé. Il y a mon pote Younes, il m'a dit, tu sais quoi, vas-y au panache, envoie-lui, non merci, j'ai besoin d'espace, et bloque-le. Je trouve ça drôle. Peut-être la nuit, s'il est online, je peux lui envoyer, tu dors? Regardez les étoiles, je pense à toi. Non. Ou alors comme contenu pour le divertir sur Insta, peut-être que je poste cette chronique-ci. Toi, et le sujet, il peut l'intéresser. En plus, j'ai lu qu'après 45 ans à errer dans l'espace, la sonde Voyageur 1 commençait à envoyer des signaux bizarres à la... Vous avez vu ce truc ou pas? Non. La sonde Voyageur 1 commence à envoyer des signaux bizarres à la NASA. J'étais là, allez, ça fait 45 ans qu'elle est dans l'espace. C'est déjà bien 45 ans, tu vois. Moi, mon imprimante, je l'ai depuis 2019. Tu vois, dès que je tente un bicolore, elle fait une ligne sur deux, tu vois. Dans 45 ans, mon imprimante, c'est sûr, elle va envoyer des signaux chelous. Ça fait depuis 2013 que Voyageur 1 est sorti du système solaire. La sonde est là à 23 milliards de kilomètres de la Terre. Dans l'article, je vous promets, il y avait écrit Voyageur 1 semble confus quant à son emplacement dans l'espace. Sans blague, 23 milliards de kilomètres d'ici, c'est sûr qu'il est confus. Moi, je suis confus quand je sors de la zone euro. Tu vois, je suis là, ils sont où les Vélib? Vraiment, elle doit être déboussolée, cette sonde. Elle peut plus communiquer par WhatsApp que 23 milliards de kilomètres. Les frais d'itinérance, ils sont massifs, tu vois. Tu peux envoyer une dick pic, ça te coûte le prix de la sonde. Demande à Daniel, tu vois, qui a dû vider son livret A juste pour ça. Et jamais reçu, en plus, Daniel. Franchement, jamais reçu cette vidéo. Bref, si tu regardes Thomas, sache que l'espace m'a toujours fait rêver, qu'à l'occasion, autour d'un café, j'adorerais que tu me racontes comment tu prépares tes missions et pourquoi Voyageur 1 déconne. Et moi, de mon côté, je te dirai comment bien conclure une chronique. Allez, bonne émission. Merci Guillaume.